Noé, le héros de l'arche. Du haut du ciel, Dieu regarde les hommes. Un jour, il s'étonne. Quels sont ces cris qui montent de la terre ? Ce sont les hommes qui se battent à longueur de journée. Ils se disputent, ils volent, ils mentent. Ce n'est pas ce que je voulais, se dit Dieu. Il faut tout recommencer. Je vais recouvrir d'eau toute la terre et détruire cette méchanceté. Un homme, cependant, est resté bon et honnête. Il s'appelle Noé. Plein d'espoir, Dieu lui dit : Noé, je te confie une mission. Construis une grande arche en bois pour toi et ta famille. Fais-y monter un couple de chaque espèce d'animaux. Ensuite, je ferai tomber la pluie pendant 40 jours. Et 40 nuits. Ce sera le déluge. Vite, avec ses trois fils, Noé coupe des planches de bois et les cloue solidement pour fabriquer un bateau gigantesque. Lorsque tout est prêt, Noé fait monter dans l'arche son chien et sa chienne. Un couple de chats qui dormait près de là. Deux vaches d'un troupeau voisin. Il attrape sans mal des coccinelles et des sauterelles. Le cheval et la jument montent au petit trot. Quant aux éléphants, il faut 1000 précautions pour les faire entrer sans tout casser. Il manque encore les singes, les tigres, les rhinocéros. Vite ! Il commence à pleuvoir. Les voilà qui accourent, deux par deux, madame avec monsieur, pour se mettre à l'abri. Cette fois, ça y est, tout le monde est là. De grosses gouttes de pluie tambourinent sur le toit de l'arche. Les rivières débordent, la mer envahit la terre. En quelques jours, tout est recouvert. Même les sommets des montagnes disparaissent, engloutis par les eaux. Poussée par le vent, l'arche flotte au gré des vagues. Au bout de 40 jours, la pluie cesse enfin de tomber. Le niveau de l'eau commence à baisser. L'arche se pose délicatement sur le sommet d'une montagne. Au petit matin, par la fenêtre, Noé lâche une colombe. Vole, ma colombe! Et dis-moi si tu trouves un endroit sec où te poser. Lui crie Noé. La colombe file dans le ciel clair. Le soir, elle revient épuisée. Elle n'a rien trouvé. 7 jours plus tard, Noé l'envoie une seconde fois. Au coucher du soleil, il l'aperçoit au loin. La voilà, elle revient avec un rameau d'olivier dans le bec. Victoire, la terre est en train de sécher. Dans l'arche, les animaux s'agitent, impatients de retrouver la terre ferme. D'un grand geste, Noé ouvre la porte, libérant les animaux tout heureux qui sortent deux par deux tandis que les oiseaux s'élancent vers le ciel en chantant à tue-tête. Noé, sa femme et ses fils sortent à leur tour en s'écriant « Hurrah ! Nous sommes sauvés ! La vie va recommencer !» Dieu regarde cette belle famille et sourit. Il leur dit « Je vous bénis, repeuplez la terre, elle est pour vous. Il n'y aura plus jamais de déluge, je le promets. » Et Dieu dessine dans le ciel un magnifique arc-en-ciel. Regarde, Noé, voici le signe de mon amour pour tous les hommes. Quand tu le verras, tu te souviendras de moi. Et moi, je serai toujours avec toi.